marche calibré derrière. Donc fais gaffe garçon, toujours calibré devant. Donc fais gaffe meuf, vénère quand je rentre sur l'instru. Quand mon adrénaline me pousse, je deviens sur l'instru. Je le calibre, calibre, le fais avec un flow bien OP. Texte développé, n'essaie pas de stopper. Voyant bruit pour un ref, je dois dégainer. Je le fais bien, bang bang, pas sans donner. Donc mon arme, je le sors là où le faut. Si le faux, qualité, oh y'a pas de défaut. Mec, tu peux taper des fils sous ma parure. Tu peux aller squatter rough neck pour avoir ma parure. Mon allure, c'est de naissance. C'est ce calibre qu'on m'a donné, alors j'en use avec aisance. Dans ce monde, c'est la porte ouverte aux putes. Donc je vais direct au but. Dixon qui sert, tire tout façon hit. Pour éviter que ces salopes façon hit. Pas littéraire façon hit. Faut qu'on reste solide, solidaire. SO militaire, kiss. Elles sont les terres qui sont minées. Qu'on les perd, qui se déterminent sans faire trop qu'il a fait qu'on kiffe. Toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières, je marche. Toujours calibre derrière, devant, je protège les miens, tous mes arrières, je marche. Toujours calibre derrière, devant, je protège les miens, tous mes arrières, je marche. Toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Bien, je marche, je vais tout droit, je connais mon but. L'apprécie de jour en jour, surtout ça vient de Long Beach. La musique, c'est ma vibe, c'est ma cam, c'est ma femme, j'en aurais pas, je crois que je serais un fan. Mais pour l'instant, t'es pas encore un fan. Question de temps, 2-0-0-5, je m'installe. Allez, cesse de prendre cet air étonné. Je suis devenu une star, non putain, ça m'aura étonné. Allez bébé, faut que tu montes dans ma benne. Vas-y, t'étais glissé, frotte-toi sur un peu ben. Laissez ce putain de calibre à l'état libre. Hors pair, qui opère, en mission, toujours pépère. Bien des terres, on userait bien des terres. C'est Dixon, faut que ça bouge du QN. On m'a dit son choix gardien. Bien des terres, on userait bien des terres. Dixon, Cole Pilson, Degen, Smith et Weston. 9-1-1-son, Clixmania. Fais pas le malin, on te met une perf, un score qui restera dans l'almanach. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Celle-là, c'est la dernière, fais bouger ton derrière, bébé, faut que tu perds ton souffle. Et Roméguette, c'est la guérilla, laisse de compter ta conscience, viens te frotter à toutes ces guerrières. Ambiance sain, c'est clair qu'on n'est pas des saints, qu'on n'est pas les seuls, surtout qu'elles sont ambiancées. Bassin l'odeur qui règne dans la salle, cette atmosphère nique tout, kick tout, devient stable. Mais comme avec ma troupe, on est des sages, imitant Joe, bac à sable, on a déjà tourné la page. Ça sert à rien, ça sert à rien. Jouer les aventuriers, prendre pour un boss, pour un forge garé. La réalité, elle est pas comme ça, elle dure à vivre, mais à force, ça devient trop tentant. Entends, on progresse dans le temps, prête une black team, v'là du lourd dans tes tympans. Entends, on progresse dans le temps, prête une black team, v'là du lourd dans tes tympans. Toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Marche, toujours calibre derrière, devant, je protège les miens et tous mes arrières. Ça, gars.